T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très très heureux de vous retrouver en ce samedi fin d'après-midi. Nous sommes le samedi 2 juillet, premier samedi du mois. Eh bien, moi, ça passe tellement vite. Donc, nous sommes ensemble jusque 18h30 pour un nouvel épisode de Planète Indie. Nous en sommes à l'épisode numéro 374. Alors comme chaque mois, eh bien, nous allons vous faire découvrir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative, en tout cas le meilleur de la musique que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Comme chaque mois, eh bien, nous avons aussi des nouveautés à vous proposer. Un peu moins cette fois-ci, je vous avoue que c'est un peu plus calme, on en aura quand même. Notamment par exemple le groupe de Mojo Slide ou encore Chekutan. Et puis une fois n'est pas coutume, je vous propose de commencer cette émission par un morceau plutôt instrumental. Cet extrait du nouvel EP de Steven Casper accompagné du Cowboy Angst. Six titres plus un bonus s'appelle I Feel Like I've Got Snakes in My Head. Nous on va en écouter la plage titulaire For a Few Dollars Less. D'habitude il y avait For a Few Dollars More, c'est le titre d'un fameux western. Et là c'est For a Few Dollars Less. Puis après cela ce sera les Nightbirds avec Calls of Fire. Restez bien avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Thank you. Comes our fall. Voilà, à l'instant c'était le groupe High Road Number 28, on les écoutait avec To Transpose the Soul, c'est sous-titré To Be One, et avant cela les Nightbirds avec Calls of Fire, et puis on a commencé, je vous le rappelle, cette émission, le numéro 374 de Planet Indie avec Steven Casper et le Cowboy Hanks, For a Few Dollars Less. J'allais me faire avoir, j'allais encore dire For a Few Dollars More. D'ici quelques minutes, eh bien, nous allons découvrir notre album Powerplay. Si vous étiez avec nous le mois dernier, vous ne serez pas très surpris parce que c'est un groupe qu'on a déjà écouté dans cette émission. Allez, je vous dis leur nom tout de suite, c'est les Stone Cupid. Voilà, c'est un groupe américain, on les écoutera d'ici quelques minutes. Avant cela, on va encore s'écouter New Day in August avec la chanson de Jane, Jane's Songs. Mais tout de suite, le groupe Rust avec Hello Darling. Voilà, c'était donc High Road 28 to Transpose the Soul. Non, je suis en train de m'emmêler un peu les pinceaux. C'était New Day in August avec Jane Song. Et avant cela, c'était le groupe Rust avec Hello Darling. 17h24, vous écoutez Planète Indie. Nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30. Et nous sommes aussi rediffusés le dimanche suivant aux mêmes heures. Donc si vous nous écoutez le dimanche, eh bien c'est la rediffusion. Si vous écoutez le samedi, c'est le live. Il est l'heure donc de passer à la découverte de notre album Powerplay. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous proposer le groupe américain Stone Cupid. On les a déjà entendus dans cette émission. Et comme si, comme ça, plic-ploc. Là, on les écoute en tant que Powerplay. Leur album s'appelle The Cardinal. Le groupe Stone Cupid est composé. La figure proéminente de ce groupe, c'est la chanteuse. La chanteuse qui s'appelle Christensen, j'ai plus son prénom d'ailleurs sous la main, enfin bon bref. Il y a aussi Kristen chez Sergio Webb, ainsi que Bones Hillman à la basse et à la batterie, Steve Latanation. Alors comme je vous l'ai dit, donc la figure proéminente c'est Julie Christensen, voilà le prénom est revenu, qui est, c'est plus un perdreau de l'année non plus, elle a déjà une belle expérience, elle est née et elle a été élevée dans l'Iowa, vous allez voir elle a un peu la bougeotte, hein. Née dans l'Iowa. Ensuite, fin des années 70, eh bien, elle s'est dirigée du côté de Austin. Et ensuite, Austin, c'est au Texas. Ensuite, Los Angeles en 1981. C'est là qu'elle a rencontré son futur mari, celui qui est devenu son mari, Chris Desjardins. Et ensemble, ils ont créé un premier groupe qui s'appelle le Device Horseman. Cette aventure a duré 3 ans. 3 ans au cours desquels ils ont sorti 2 albums complets, 2 EP. Ensuite, ils ont fait 3 tournées aux États-Unis. Et puis enfin, l'aventure du groupe s'est terminée, ainsi que leur mariage. Tout ça, donc, au bout de 3 ans. Entre 1988 et 1993, Julie Christensen a tourné mondiale avec Leonard Cohen comme une de ses choristes. Voilà, je vous propose de s'arrêter là pour la première partie de la découverte de cette fabuleuse aventure de Julie Christensen et de son groupe Stone Cupid. On va en écouter un premier extrait qui s'appelle No Mercy. L'album s'appelle The Cardinal. Je vous mettrai aussi une vidéo, je vais essayer d'en trouver une pour mettre sur la page Facebook de Planète Indie. Pour l'heure, nous on écoute cet extrait de Cardinal. The Cardinal, c'est le nom de l'album. Nous on écoute le morceau No Mercy et c'est notre Powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Just the rules, do you have it? measure, never seeking trove nor treasure. He's no anomaly, just wants equality. Raymond, the time has come. Ça c'est notre ami végétarien, non, c'est comme ça que je vais l'appeler, Graham Perry avec Gay Ray. Si vous vous souvenez, on l'avait écouté il y a quelques semaines avec un autre morceau, mais ce qui était plus étonnant, ah oui, c'était le morceau Don't Eat the Cow, ne mangez pas la vache, et son album s'appelle Jambon Gris. C'est pour ça que je l'appelle notre ami végétarien, parce que si vous vous souvenez, l'anecdote que j'avais contée, c'était, je lui avais demandé pourquoi appeler son album Jambon Gris. Il m'avait expliqué qu'il avait été un peu, il avait étudié un peu le français à l'école, et que son nom Graham, ça sonnait un peu comme Graham, donc jambon gris. Voilà, c'est comme ça que l'histoire, la petite histoire du nom de cet album s'est faite. Pour retour de ce côté-ci de l'océan avec notre ami nancéen Fred W ou Fred W avec le morceau Rose. Hey, this is Chris from Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Mike from A is for Adam, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Anya Parker-Lentz, and you are listening to Planet Indie. C'était pas la vie, ma rose, quand je suis tombé sur toi. Je n'espérais pas grand-chose quand tu m'as pris par le bras. J'ai suivi ton étincelle, tes cris, tes rires et tes joies. Je m'y suis brûlé les ailes, ça me lance encore parfois. Mes angoisses et mes fêlures, sans que rien ne t'y oblige, tu à soigner mes blessures. J'aurais voulu te garder pour une vie ou même trois, te serrer ou t'attacher, t'aimer par le bout des doigts. Lequel de nous trouvera ce qu'on recherche au dehors, le chemin qui mène à soi, qui nous rendra bien plus fort. Lequel de nous trouvera ce qu'on recherche au dehors, le chemin qui nous rendra plus fort. Je te voyais t'envoler, puis disparaître en silence. J'ai senti comme un poison qui se glissait dans mes veines, ce sentiment d'abandon qui nous ligote à nos peines. Ce qu'on recherche au dehors, le chemin qui mène à soi, qui nous rendra bien plus fort. Lequel de nous trouvera ce qu'on recherche au dehors, le chemin qui nous rendra plus fort. Sur mes jours, le souvenir d'une étreinte qui me porte pour toujours. Voilà, on est en plein dans les voix féminines en ce moment avec, à l'instant, c'était May Klinger avec ce morceau « I don't miss you at all » pour ceux qui n'avaient pas compris. On poursuit donc, avant de retourner sur notre album Powerplay, l'album de Cardinal, je vous rappelle, par le groupe Stone Cupid. On va retourner sur... Enfin, pas retourner, on va écouter un extrait du tout nouveau hippie d'une chanteuse qu'on connaît bien dans cette émission, puisque c'est pas la première fois qu'on l'écoute. Elle s'appelle Carrington McDuffie. Son album, son nouvel hippie, pardon, s'appelle Crush on You. Eh ben, ça tombe bien, parce que c'est pas ce morceau-là qu'on écoute. On écoute le morceau qui s'appelle I Call You. Voilà, ça doit être le soleil qui tape aujourd'hui. On n'a plus l'habitude, donc on est un peu perdu. Donc rassurez-vous, on a quand même tout sous contrôle. Enfin, on espère. Allez, retour à la musique avec Carrington McDuffie, I Call You, cet extrait de son nouvel EP, Crush on You. Hi, my name is Carrington McDuffie, and you are listening to Planet Indie. When I don't know what to do, when I'm feeling nervous, crazy, anxious, restless, reckless, or just blue, I call you. And when I don't know what to say, gotta be said somehow, said out loud to be true, I say it to you. I could have called up 911 and had a talk with anyone. I know they got a suicide line, but compared to that, I'm feeling fine. I don't know which way to turn. If I only feel a question, and the question burns and burns and burns, it's you that I turn to. The spinning lights of cops on the road, and the stars are so cold. The sun, and I see your face, I hear your voice, it's telling me to call you. I do, I call you. Minutes, vous écoutez Planet Indie comme chaque premier samedi du mois. Nous sommes ensemble jusque 18h30, ça veut dire qu'on est pile poil à la moitié de l'émission. Retour donc sur notre album Powerplay, Et je continue de vous conter l'histoire de Stone Cupid et en plus en particulier l'histoire de Julie Christensen qui est effectivement la figure de proue de ce groupe. Alors on en était resté à la tournée mondiale qu'elle avait effectuée comme choriste de Leonard Cohen entre 1988 et 1993. En 1900, entre-temps, eh bien, elle a été signée par Polygram, mais il y a eu des petits soucis dans la maison, donc l'album qu'elle avait enregistré à l'époque n'est jamais sorti. Et puis elle a déménagé, encore une fois, pour aller vivre en Californie à Ojai. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je pense que c'est à peu près ça. Elle s'est mariée avec un monsieur qui s'appelle John Deal, qui était acteur, on ne le connaît pas spécialement, mais apparemment, il a joué le rôle de Larry Zito dans Miami Vice pour les spécialistes. En 2013, eh bien, elle déménage à nouveau avec son mari et son fils et ils vont vivre du côté de Nashville. C'était pas vraiment dans ses plans. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, à l'International Folk Alliance, elle a rencontré une autre artiste qui s'appelle Amelia Wild, qui lui a parlé de la vie trépidante de Nashville pour la musique folk americana. Ce qui fait que, eh bien, elle a convaincu son mari d'aller vivre là-bas, du côté de Nashville. Les gens étaient quand même assez surpris parce qu'ils lui demandaient pourquoi est-ce qu'il quitte le paradis pour aller vivre là-bas, mais elle a dit que eh bien, son paradis à elle, eh bien, c'était là-bas. Voilà. On reprendra l'histoire un peu plus tard parce qu'elle a fait pas mal de choses, ou alors elle a collaboré avec pas mal d'artistes, donc on a déjà parlé de sa période de Leonard Cohen. Quand elle était à Los Angeles, eh bien, on a parlé du groupe Divine Horsemen. C'est le groupe qu'elle avait formé avec son premier mari. Sinon, eh bien, elle a partagé des concerts avec des gens comme Exin Cervenka, John Doe, David Alvin of the Blasters. Elle a, outre ses tournées avec Leonard Cohen, eh bien, elle a chanté au Vienna Opera House, elle a tourné à Madrid, à Athènes, et elle a chanté trois nuits de suite au Royal Albert Hall. Donc c'était pas mal du tout. Je vous propose d'en écouter donc le second extrait que j'ai sélectionné pour vous, qui s'appelle Riverside. Je vous ai mis aussi sur la page Facebook de Planet Indie la vidéo, une vidéo enregistrée en public du morceau de Cardinal. Donc bah voilà, il reste plus qu'à l'écouter en version studio avec ce morceau Riverside. Power play. Power play. Building silos, I just barrel. cause they get bored down in Winterset, Iowa. Come along to watch us drive. Gonna floor it out onto the highway. I'm going down to Riverside. There's nothing in this world is made to last. hallelujah. Where there's two Lord, I stand. Every time I see you for the last time, you never wanna come around. Show that grin on that brown French kiss you down. Or Travis. Last night, last forever, rich with love, even better. Feel your body in that back, crossover and attack. You tried again. You fell down, you got up, so you tried again. Every time I see you for the last time, you never wanna come around. Show that grin, all that frown, French kiss you down. You tried again. You fell down, you got up, so you tried again. Oh, Travis. Tú sentiste, tú ya puedes, tú no vas a hacer. You tried again. You fell down, you got up, so you tried again. I can never live like that, so I will never go back. I can never live like that, so I will never go back. I can never live like that, so I will never go back. I can never live like that, so I will never go back. Dans nos oreilles, c'était André Bellos avec un morceau qui s'appelle Otra vez, et du peu d'espagnol que je connaisse, ça veut dire une autre fois. Ça, je peux vous assurer que la traduction elle est correcte. Une autre fois, et bien la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera le samedi 6 août pour l'épisode numéro 375 de Planète Indie. Mais on n'est pas encore terminé le programme d'aujourd'hui, rassurez-vous, nous sommes ensemble jusqu'à 18h30. Si vous ne savez que faire le week-end prochain et essentiellement samedi prochain, eh bien il y a la je ne sais pas quelle édition c'est, en tout cas il y aura le festival Blues Express qui se tiendra entre Fontgras et La Sauvage, c'est dans la commune de Differdange, ici tout près. Donc on ne va pas passer en revue la totalité de la programmation parce qu'il y a énormément de concerts et de groupes qui sont prévus. Il y en a peut-être une... Oui, il y en a 40 groupes, voilà. 40 groupes, 11 scènes. La bonne nouvelle, c'est que, pour ceux qui ne le sauraient pas et qui ne connaîtraient pas ce festival, l'entrée est gratuite, totalement gratuite. Ça se passe dans un cadre magnifique, au milieu des bois, à Fontgras et à La Sauvage. Le site ne sera accessible que par les transports en commun, donc vous pouvez y aller soit avec les trains spéciaux des CFL ou alors les navettes de bus... les navettes de bus qui partiront du P+R. En ce qui concerne les trains, il y a aussi le train spécial, le train 1900 qui part de Pétange. Donc ça, il y a des, c'est une petite expérience aussi. Et puis vous pourrez aussi relier Fontgras et La Sauvage par le Miniersboom aller-retour, le ticket c'est 2,50€. Pour le reste, eh bien, tout est gratuit. Vous ne pourriez pas y accéder en voiture, donc prenez vos dispositions. Au niveau des têtes d'affiche, eh bien, on peut en citer 4 principalement. Il y aura Ruben Ford, un Américain, il y aura les Blues Pills qui sont suédois, King King les Anglais et Rachel Place qui elle est française. Pour tout renseignement, vous tapez sur le site internet www.bluesexpress.lu. Je vous rappelle, ça se tient samedi prochain. Et ça commence, si je regarde mon petit programme, ça commence vers 18h. Je crois que les premiers concerts sont à 18h. La musique toute douce qu'on entend derrière les oreilles, c'est celle de Nathan Schubert. C'est un instrumental. Bah oui, ça en fait deux aujourd'hui. On est en train de battre des records. Nathan Schubert avec le morceau Weights and Measures. C'est une nouveauté, c'est la première fois qu'on l'écoute. Et après, on écoutera une autre nouveauté dans un style complètement différent. Ce sera Chekutan avec le morceau Questions. Thank you. C'est une des nouveautés dont je vous avais parlé en commençant cette émission. C'était Chekutan, et on les écoutait avec un morceau intitulé Questions. On va retourner pour la troisième et dernière fois aujourd'hui sur notre album Powerplay. Je vous rappelle qu'il s'agit du groupe américain Stone Cupid, un groupe de Julie Christensen. Mais pas que. On a parlé beaucoup d'elle aujourd'hui. C'était vrai qu'elle est à la base de beaucoup de choses, mais il faut rendre hommage à ses partenaires, donc qui sont, on va le rappeler encore une fois puisqu'on en a parlé tout à l'heure, Kristen de Sergio Webb à la guitare, Bones Hillman à la basse et à la batterie, il y a Steve Latanation. C'est un album que Julie Christensen a coproduit avec Jeff Toombs. Elle a écrit 5 des 12 morceaux, elle en a coécrit 3 avec Laura Curtis, respectivement John Hadley et David Olney. Et puis il y a aussi des morceaux qui sont écrits par d'autres personnes. Le morceau Shed My Skin qui est écrit par Dan Navarro, Girl in the Sky par Amelia White dont on a parlé tout à l'heure. Amelia White, c'est elle qui a fait venir Julie Christensen du côté de East Nashville. Et enfin, le morceau Would You Love Me par Chuck Prophet. Voilà, au niveau de ses performances, j'ai oublié de vous citer deux de ses faits d'armes qui ne sont pas les moindres. Je vous avais dit qu'elle avait fait une tournée mondiale avec Leonard Cohen entre 1988 et 1993. Elle a aussi chanté avec Nick Cave. Et puis en 2006, elle a chanté avec Lou Reed, un duo. Elle a chanté en duo avec Lou Reed un morceau justement de Leonard Cohen, Joan of Arc. Et puis en janvier 2016, c'est tout récent, Alexandro Escovedo, qu'on connaît bien dans cette émission aussi, a invité Julie à chanter à son spécial Leonard Cohen Evening au Moody Theater d'Austin. Je vous ai mis donc une vidéo sur notre page Facebook. Leur site internet, c'est facile, c'est www.stonecupid.com. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à... Il y a d'autres morceaux sur leur site que vous pouvez écouter gratuitement. Voilà, on en écoute donc un troisième extrait pour aujourd'hui. Ça s'appelle donc le Girl in the Sky dont on vient de parler. Power Play. Power Play. Thank you. long way down when you're standing on a high wire. Every tide of the wind can shake you to the bone. Lose your focus and the ground will surely break you. You asked for the danger, you had to try. You passed on a simple life, your father cried. Oh, you wanted to get that high, but it's a long way down. I'm so lonely, I'm only a girl in the sky. Far from holy, I'm only a everybody thinks your life is so exciting. They long to taste the altitudes they've never known. When the birds sing out, they think of you and wonder how you came to that leap of flight and passed them by. Why you changed to a different girl who had to try? And how dare you to get so high? But it's a long way down. Oh, I'm so lonely, I'm only a girl in the sky. From Holly, I'm only a dreamer. Everyone walked away when they saw that I knew that I might fall. Oh, I might off your purse. But I'm a wily old tomcat, and you're a cute little bird. And I didn't try to break your heart, but our love was ill-fated from the start. And I didn't feel like time was on our side, 'cause our love was cast out on the waves of the morning tide. And I didn't know you've been feeding down, 'cause I've been out chasing rabbits all over town. So won't you fly, little bird? Now won't you fly away? Find yourself a place to call your own, 'cause there ain't no point in trying when our love just keeps on dying. Go find yourself a place to call your home. Well, I hope to God that the old sun shines on you, and I pray that the summer breeze blows away your blues. 'Cause there's a time to walk the line, and there's a time to walk away. So I'm sorry, little bird, my mind's been made. I know that love can take its toll on a poor, deflated soul. Well, the pulse is weak, but I'm sure you'll pull through. De décourter un tout petit peu malheureusement ce morceau, mais on les réécoutera encore parce que c'est la première fois qu'on les attendait dans cette émission. Il s'agit du groupe de Mojo Slide avec Little Bird. Un petit clin d'œil encore à notre powerplay d'aujourd'hui, Stone Cupid avec son album de Cardinal, puisque le Cardinal auquel il est fait référence, c'est l'oiseau bien entendu. Enfin bien entendu, vous n'êtes pas censé le savoir, mais si vous voyez la pochette de l'album, vous n'aurez plus aucun doute dessus. Avant de se quitter, on va encore passer en vitesse en revue la programmation de la rocale. Alors ce soir, il y a Patti Smith qui vient avec son groupe. Le 6, vous pourrez écouter Beyrouth. Le 13, Mac DeMarco. Le 16 juillet, ce sera le Screaming Fields. 18 juillet, Jurassic 5. Le 2 août, Iron Maiden, mais c'est complet. Et le 20 août, Alex Vargas. Et puis c'est déjà tout pour cet été. Bah, c'est vrai que c'est plutôt la saison des festivals, comme on en a parlé notamment avec le Blues Express. Pour ce qui est de ma part, eh bien, j'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale de ce soir. On va se quitter avec un dernier morceau. C'est Ridley Wolf qui nous interprète Only You. La prochaine émission, eh bien, ce sera le 6 août, donc entre 17h et 18h30 sur cette même fréquence. D'ici là, eh bien, je vous rappelle que cette émission est rediffusée aussi demain aux mêmes heures, 17h-18h30, sur cette même fréquence. Et puis vous retrouverez le podcast de l'émission sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook dès ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous retrouve donc en pleine forme pour une nouvelle émission en direct le 6 août. Bonne soirée, bon week-end et à très bientôt. Though we've been apart, don't you ever dare doubt my heart. It's been right there from the start. Only you. You are more beautiful. Though we've been changing, don't you ever stop holding my heart. If you stop, it won't start. Only sometimes act a fool. I know that the world has been cruel. I can see the wood for the trees. Silence can be golden. I know that it's nice to be alone. Meant to be.